Bonsoir chers auditeurs, auditrices, bienvenue à l'écoute de ce journal. Voici tout de suite les grands titres. En province Gitega, les femmes de la colline Marunda qui vendaient le maïs grillé avant que cette activité soit interdite disent avoir des difficultés de survivre. Elles demandent la levée de cette mesure. Notre correspondant Gérard Nibigida nous fera le point. À Bururi, hausse des prix du ticket de transport. À titre d'exemple, de Rumonge à Bururi, en véhicule de type Probox, le prix est passé de 6 000 à plus de 9 000 francs bou. Zeno Nzambimana nous décrira la situation. Et dans la chronique nutrition, on vous parlera des bienfaits des graines de courge. Voilà pour le sommaire. Doré Bingabil et je suis à la présentation. Eric Ouimana assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les femmes de la colline Marunda, commune et province Gitega, qui exerçaient l'activité de vente de maïs grillé avant la mesure l'interdisant, disent qu'elles ont des problèmes de survie. Elles demandent la levée de la dite mesure. Ces femmes proposent la mise en place des sanctions fortes contre tout coupable du vol du maïs au cas où leur demande aurait une issue favorable. Néanmoins, le porte-parole de la police, Désiré Ndouimane, affirme que la mesure interdisant la vente du maïs grillé est toujours en vigueur. Gérard Nibigira. Les femmes de la colline Marunda, commune et province Gitega, qui exerçaient l'activité de griller les épis du maïs pour les vendre, du moins avant l'interdiction de cette activité, disent qu'elles font face actuellement à une pauvreté précaire émanant du fait qu'elles n'ont pas encore eu une autre activité à faire aussi rentable que celle-là. Ainsi, elles demandent que cette mesure soit levée pour qu'elles puissent revivre comme avant. Elles expliquent que le maïs qu'elles grillaient, les achetaient aux agriculteurs producteurs de leurs connaissances et qui connaissaient leurs adresses et non aux voleurs du maïs. Au cas où cette mesure serait levée, elle propose qu'elle soit accompagnée par d'autres mesures fortes de répression de toute personne qui se rendrait coupable de vol du maïs. Cependant, le porte-parole de la police, Désiré Ndouimana, indique que la mesure interdisant la vente du maïs grillé est toujours en vigueur. Toutefois, si elle est là dans la ville de Gitega, il s'observe des vendeurs ambulants du maïs cuit portés dans des seaux et bassins en plastique. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Depuis Gitega, dirigeons-nous en province Bururi où le prix du ticket de transport a augmenté suite à la pénurie du carburant de type essence et mazout qui s'observe depuis 5 jours dans cette province. Le prix à moto a doublé dans certains tronçons et en véhicule de type Probox de Lumonge à Bururi, le prix est passé de 6 000 francs à un prix variant entre 9 000 et 10 000. Les conducteurs de ces engins ainsi que les clients demandent que le carburant soit disponible. Reportage de notre correspondant Zeno Nzambimana. Les conducteurs des motos assurant le transport ont augmenté ce dimanche le prix de tickets de transport jusqu'au double dans certains tronçons à Bururi. C'est le cas du trajet Bururi-Kiremba où les motards rencontrés au parking de Bururi exigeaient une somme de 3000 francs burundais alors que ce prix ne devrait pas dépasser 1500 francs burundais par personne. Mais les passagers qui acceptaient d'être transportés à deux bénéficiaient d'une diminution de 1000 francs burundais par personne. De plus, les conducteurs des véhicules de type Probox assurant le transport en commun sur la route nationale numéro 16, Rumonge Bururi avait également revu à la hausse le prix de tickets de transport. Certains de leurs clients en provenance de Rumonge nous ont confié qu'ils ont payé une somme variante entre 9 000 et 10 000 francs burundais par personne, alors que ce prix ne devait pas dépasser 6 000 francs burundais par personne. Pourtant, c'était un ouf de soulagement pour les passagers en direction de Mawa, car quand nous sommes arrivés au parking de Bururi, un bus de l'Otraco était garé à ce parking pour assurer le transport à 4 000 francs burundais par personne, un prix qui est normalement connu pour ce trajet. Beaucoup de grognes se font entendre chez les passagers suite à la hausse des prix de tickets de transport, dont la cause est la pénurie des carburants de type essence et mazout. Certains des conducteurs des véhicules assurant le transport en commun qui ne travaillent plus suite à cette pénurie du carburant grognent que leur famille risque de mourir de faim si rien n'est fait. De même que leurs clients, ils demandent à l'État de tout faire pour que ces produits soient disponibles. Topi Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zeno. Les habitants de la commune Gihanga en province Bubanza se lamentent du manque d'eau potable. Ils expliquent que cela est la source de la maladie des mains sales qui ne cesse de s'observer dans cette localité. Ces habitants demandent aux autorités de résoudre ce problème. Selon le conseiller de la commune Gihanga chargé des questions techniques, ce manque d'eau est causé par les éboulements des montagnes, au niveau des sources de l'Ougadi qui endommagent les tuyaux. Spes Caritas Kabanyana. Les habitants des différents villages que nous avons approchés déplorent un manque régulier d'eau potable et disent qu'ils ils utilisent l'eau sale des rivières ou des canaux d'irrigation, source de maladies, des mains sales, comme ils le disent. L'eau des forages utilisée dans certains endroits est salée selon les utilisateurs et n'est même pas efficace dans la cuisson ou dans le lavage des habits. Ils disent que l'eau sale utilisée souvent peut causer des maladies, comme ça a été le cas le mois passé, où le choléra a attrapé certaines personnes sur certaines collines. Au niveau de l'administration, on reconnaît ce manque d'eau potable. Léo Nigilinzigo, conseiller technique de l'administrateur de Gihanga, fait savoir qu'il y a souvent des pannes au niveau des sources d'eau captage en commune Lugazi, où des éboulements des montagnes ont toujours endommagé les tuyaux. Il propose comme solution une déviation et faire passer ces tuyaux dans d'autres endroits, un travail qui appelle la régie des eaux selon Léo Nigirinsigo. Spécialitas Kawanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro en ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes sociales, sur Facebook, c'est sur Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X, RT Isanganiro. Dans la suite de cette édition, le ministère des Finances va être réorganisé selon le projet de décret portant mission et organisation de ce ministère tel qu'adopté par le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. Le présent projet de décret vient répondre au souci majeur de renforcer ce ministère afin qu'il assume son rôle et accroître la redevabilité de toutes les parties concernées par la mise en œuvre des réformes en cours et la bonne exécution des projets. Certaines principales modifications, c'est dans ce compte rendu lu par Prosper Nargouamié, ex-secrétaire général du gouvernement. Le renforcement du cabinet du ministre avec des conseillers techniques sur les questions juridiques, économiques et des finances publiques. La mise en place de deux secrétariats permanents, le premier chargé de la planification et de la coopération économique et financière, et le second chargé des finances. La mise en place d'une direction générale des réformes et de la coopération économique et financière, l'inspection générale du ministère qui est renommée l'inspection générale des finances, le renforcement de la direction de l'informatique en la transformant en direction générale des systèmes d'information, le renforcement des missions de la direction générale des finances publiques en lui attribuant un service de contrôle des finances internes et vérification rattaché au directeur général. Après échange et débat, le projet a été adopté avec comme observations et recommandations suivantes. Au niveau des visas, ajouter la référence à la loi sur l'administration publique ainsi qu'au décret portant cadre général du cahier des charges des inspections ministérielles et services de contrôle interne de l'administration publique burundaise en matière de suivi de gouvernance. Garder l'actuelle dénomination du ministère. Préciser que l'objet du décret est la réorganisation du ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique. Garder l'inspection générale du ministère à la place de la proposition d'une inspection générale des Finances. Insérer un article qui prévoit le mode de nomination des cadres et de hauts cadres du ministère. Préciser le nombre de conseillers affectés dans différentes cellules ainsi que leur cahier de charges. Distinguer les administrations personnalisées des établissements publics. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Les graines de courge peuvent aider à soulager les symptômes du syndrome prémenstruel. Elles sont riches en magnésium, en protéines et en vitamines. Selon Gilbert Nangwarafi, chercheur nutritionniste, les graines de courge contribuent à combattre le stress et à améliorer le sommeil grâce à sa teneur en magnésium. Chronique nutrition avec Jean-Marie Mayonga. Les graines de courge, comme l'explique le chercheur nutritionniste Gilbert Nangwafi, il signale qu'elles sont riches en fibres, en magnésium. Ces graines sont bonnes pour notre santé mentale. Les graines de courge possèdent une composition nutritionnelle très intéressante, notamment en protéines, en acides gras de bonne qualité, amis minéraux et oligoéléments comme le cuivre, le zinc, le magnésium, le calcium, le fer, et des vitamines comme vitamine A, vitamine C, vitamine du groupe B. Possèdent aussi des phytostérols et des phytoestrogènes et d'autres antioxydants qui augmentent l'immunité et qui nettoient les cellules pour une bonne santé cellulaire. Ce chercheur signale également que ces graines réduisent les douleurs articulaires et diminuent la pression artérielle. J.B. Nangwaafi précise que les graines de courge présentent des bienfaits pour les femmes et filles en favorisant la production de progestérone dans la deuxième phase du cycle menstruel. Elles sont connues comme une excellente source de protéines, de fer, mais aussi pour les bienfaits sur la prostate et le cholestérol. Ce sont des graines encore utilisées pour de nombreux autres bienfaits, notamment dans la lutte contre certains types de cancers, santé du foie, sommeil, dépression, système urinaire, syndrome prémenstruel, ménopause, alopécie androgénique, glycémie et hypertension artérielle. Les graines de courge peuvent être un soutien en cas d'hypercholestérolémie, taux élevé de cholestérol et dans le sang, et ont un potentiel anti-athérogène, diminution du risque de développer une plaque d'athérose. Quant à la consommation, il est conseillé de les mâcher, les faire griller au four ou les grignoter. On peut utiliser les graines de courge sous forme de la bouillie, à les mélanger avec d'autres céréales ou légumineuses. On peut utiliser aussi les graines de courge sous forme de thé, à les faire torréfier et puis on les transforme en poudre. Et puis on va prendre une à deux cuillères dans une tasse d'eau chaude. On peut mélanger avec du miel si on n'est pas diabétique. La graine de courge est originaire des Amériques. Ce légume remonte à plusieurs millénaires, 8000 ans à 10 000 ans. Merci à Jean-Marie Mayonga et à Gilbert Nangwaafi sur cette chronique. Et c'est par cette même chronique que nous mettons un point final à cette édition. Merci pour votre attention à la présentation d'Oré Bingabide. Eric Wimana a assuré la mise en onde. Bonne soirée à toutes et à tous.